Tu vas voir demain, quand je vais avoir l'enregistrement. Pourquoi 9 semaines et demie? Non, non, nous, c'est qu'une semaine pour l'instant. Surtout quand on va faire de découpage artistique, ça va être chaud. Bah quoi, ça fait une semaine qu'on se connaît? La population ninja moise, plus déjà tout ça. Ah, une semaine parce que je m'en vais longtemps, je reviens un peu, c'est ça. À partir de qu'est-ce qui va pas là?